Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 juillet 2019. Voici les grands titres de cette édition. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, condamne les cas d'intolérance politique qui s'observent ces derniers jours. Le président de cette commission recommande aux responsables des partis politiques d'enseigner le respect mutuel à leurs militants et aux institutions judiciaires et policières, d'éviter la globalisation. Sixte Vigné Nimouraba sera l'invité du journal. Réouverture ce lundi devant la cour administrative des débats dans le dossier opposant la radio Bonéja FM au conseiller national de la communication. Le CNC oppose la forclusion du délai de saisine de cette cour, ce que rejette le directeur de la dite radio, Léo Massengo. Et la quatrième édition du prix Prix Musique a été remportée par la chanteuse Laurette Tetero avec 25 millions de francs burundais en poche. Elle espère que diverses opportunités lui sont maintenant ouvertes. Voilà pour les grands titres. Rebonjour, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, condamne les cas d'intolérance politique qui s'observent ces derniers jours. Sixte Vigné Nimouraba, président de cette commission, demande aux différentes formations politiques de cohabiter pacifiquement, expliquant que leurs différences constituent plutôt un facteur de développement du pays. Il demande également aux responsables des partis politiques d'enseigner le respect mutuel à leurs militants. Il appelle les institutions judiciaires et policières à éviter la globalisation, mais à sanctionner individuellement les infractions. On l'écoute. Nous organisons des descentes sur terre dans la mesure du possible et nous sensibilisons la population pour la coexistence pacifique. On l'a fait à maintes reprises. Dernièrement, on était dans la commune Guitaramoka en province Karosi où les gens du CNDD, FDD étaient en conflit avec les gens du CNL. On a sensibilisé la population en leur éduquant sur le comportement à adopter, spécialement pendant cette période préélectorale. Les responsables des partis politiques doivent fournir un effort pour éduquer leurs membres pour qu'ils sachent qu'ils doivent cohabiter avec les gens qui proviennent d'autres partis politiques comme ils le font eux-mêmes. Parce que c'est très intéressant quand vous voyez les interactions entre les dirigeants des partis politiques ici au Burundi. Même ceux au pouvoir et ceux de l'opposition se rencontrent, ils décident, ils prennent des décisions ensemble, ils se conviennent sur la stratégie à adopter et ils partagent même un verre. Quelle devrait être l'attitude des organes judiciaires et policiers? Les organes judiciaires doivent faire leur travail jour et nuit parce qu'ils ont beaucoup de tâches et de responsabilités. Mais pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont des droits mais aussi des devoirs, ils doivent traiter des cas individuels selon la situation. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Sixte Vigné Nimouraba, sera l'invité du journal. L'Association Ministère africain pour le leadership et la réconciliation à l'arme Burundi en sigle lance un appel aux leaders qui seront issus des élections de 2020 d'être de bons serviteurs. Chimi Manadeo Gracias, représentant légal de la dite association, l'a dit ce lundi lors de l'ouverture d'un atelier sur le leadership à l'endroit des députés et sénateurs. L'objectif de cet atelier est d'aider les parlementaires à comprendre que la bonne gouvernance dépend du leadership serviteur. Suivez plutôt Monseigneur Chimimana Deo Gracias. Nous avons réuni les parlementaires et les sénateurs du Burundi dans l'objectif de discuter ensemble à propos du leadership serviteur. Et notre objectif principal de cet atelier est d'aider les parlementaires et les sénateurs de savoir que la bonne gouvernance dépend donc du leadership serviteur, parce que en tout ce qu'on organise dans le pays, on se base sur ce leadership serviteur. Normalement, ce n'est pas un manquement qu'on a remarqué, c'est plutôt parce que donc, dans le monde, il y a deux puissances. La première puissance, c'est le temps. Et la deuxième puissance, c'est le changement. À propos du temps, si vous le voulez ou pas, le temps passe. Et puis, si vous le voulez ou pas, donc les choses changent. C'est pour nous aider, pour aider les parlementaires et les sénateurs, pour que dans leur plan, dans tout ce qu'ils font, ils travaillent selon le temps et le changement, pour donc s'adapter au contexte du changement. Comme on chemine vers les élections 2020, donc notre appel aux leaders, même à la population burundaise, c'est que, donc, au niveau du leadership, Les leaders ont besoin donc de préparer et de diriger le Burundi à la base des principes du leadership serviteur. Monseigneur Deo Gracias Nshimiyimana. Réouverture ce lundi devant la cour administrative des débats dans le dossier opposant la radio Bonesha FM dont la licence d'exploitation a été retirée et le Conseil national de la communication. Ce dossier avait été mis en délibéré le 25 juin dernier. Le CNC oppose la forclusion du délai de saisine de cette cour, ce que rejette le directeur de la dite radio. Suivez Léon Massengo. Il faut d'abord dire que nous avons été surpris d'entendre qu'il y a une nouvelle audience publique alors que l'affaire avait été mise en délibéré. Mais nous avons répondu à l'appel de la cour administrative. Nous venons de démontrer de nouveau que la forclusion que demande le Conseil national de la communication ne peut pas être assurée, que la Cour devrait refuser, rejeter cette demande de forclusion parce que c'est nous qui avons saisi la Cour et c'est nous qui savons la décision que nous avons attaquée, même si le Conseil national de la communication évoque une autre décision que nous n'avons pas saisie. Ça fait une année, moins deux jours que nous avons saisi cette cour. Nous pensons que dans quelques jours, elle va nous rétablir dans nos droits. C'est-à-dire que le CNC dit toujours que vous avez saisi la justice au-delà des délais prévus. Des délais prévus, oui, ce qui n'est pas vrai, parce que fait référence à une autre décision que nous n'avons pas attaquée, nous. Alors, laquelle? Enfin, nous avons attaqué la décision de refus d'octroi de l'autorisation d'exploitation d'une station radio, alors que le Conseil national de la communication, en assemblée générale du 22 au 23 février 2018, a qualifié notre dossier de régulier, de conforme à la loi sur la presse. Et ce qui nous a surtout fâchés, c'est que le Conseil national de la communication nous a demandé un document qui n'est pas prévu dans les dossiers qu'il faut présenter pour obtenir l'autorisation d'exploitation d'une station radio. C'était Léon Massengo, c'est le directeur de la radio Bonesha FM. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des poteaux de feu tricolores se trouvant sur certaines routes de la mairie de Bujumbura ont été détruits. C'est le cas d'un poteau situé devant le chantier de l'hôtel de ville de la mairie de Bujumbura sur l'avenue de l'université. Des personnes exerçant diverses activités dans cette localité disent que ces poteaux auraient été endommagés par des véhicules. Elles craignent des accidents qui pourraient surgir et demandent aux autorités habilitées de remplacer ces poteaux déjà détruits. Vestine Botoui. Ces poteaux portant les feux de signalisation routière déjà détruits, l'un se trouve devant le nouvel édifice de la mairie de Bujumbura, sur la route connue sous le nom de l'avenue de l'université. L'autre se situe tout près de la clôture de l'hôtel Novotel, sur la route communément appelée boulevard du peuple Murundi. Des personnes exerçant leurs activités aux environs de la localité où se trouvent ces poteaux endommagés disent que ces derniers ont été cognés contre des véhicules. Actuellement, ils expliquent qu'il est difficile de se laisser le passage étant en son niveau où il n'y a plus en suffisance des poteaux portant les feux tricolores. Par conséquent, ces personnes craignent que des accidents de roulage pourraient se produire dans cette localité à cause de l'insuffisance des poteaux portant les feux de signalisation routière. Ces personnes exerçant leurs activités tout près de ces poteaux endommagés demandent aux autorités habilitées le remplacement de ces derniers afin de faciliter la circulation dans ces routes de la mairie de Bujumbura. Merci Vestine Nebuto. Il y a une assistance constituée de vivres composés de haricots et du riz et des ustensiles de cuisine a été octroyée ce lundi par la Croix-Rouge du Burundi en collaboration avec l'ambassade de Chine au Burundi aux 152 ménages victimes des inondations de 2018 en zone Buterere et à des Burundais rapatriés de la Tanzanie. Suivez Pamphile Kanabazi, c'est le président de la Croix-Rouge du Burundi. L'aide qui vient d'être octroyée ici est destinée à des personnes vulnérables qui ont été préalablement identifiées localement sur dans ce quartier, dans cette zone, par les volontaires et les membres de la Croix-Rouge au niveau local, avec l'appui technique de leurs élus aux différents niveaux et au staff de la Croix-Rouge du Burundi. Ils ont identifié les personnes les plus vulnérables et également les biens vivres et non vivres qui sont disponibles ici et qui peuvent leur être octroyés en fonction de leurs besoins et fondamentaux. Il s'agit de 152 ménages respectivement répartis en trois catégories. La première catégorie de 101 ménages, ce sont les personnes qui ont été victimes des inondations de 2018. La deuxième catégorie de 40 ménages est constituée de rapatriés de la Tanzanie. Et le dernier groupe de ménages est constitué de 11 ménages ayant en leur sein des personnes vivant avec un handicap. Pamphile Kanawazé, président de la Croix-Rouge du Burundi. La plantation d'espèces d'arbres inadaptées et le manque de suivi sont les principales causes de la nudité de certaines montagnes comme Renga, Nyamugari et d'autres de la commune Marangara en province Ngozi. C'est ce qu'explique le chef d'antenne provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Laurent Mounezero promet le reboisement de ces montagnes en y plantant des calitrices, espèces adaptées au sol très coûteux, et d'en faire un suivi régulier. Apollinaire Muzagara. Selon le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, ces montagnes, principalement Renga, 221 hectares de superficie, n'ont aucun arbre actuellement, alors que même projet n'ont jamais cessé d'y planter bon nombre d'arbres. À part l'effet de brousse, ces arbres ne grandissent pas à cause de l'inadaptation de ces derniers au sol très caillouteux de Renga et des environs. Il y a aussi, selon Laurent Mounezero, le manque de suivi de la part de ces proches. Ces derniers ne font que planter ces arbres, partent pour de bon sans toutefois penser à leur entretien, déplore-t-il. D'après son chef d'antenne provinciale de l'OBPE, le programme de reboisement du Burundi, Ewe Burundi Rambaye, envisage de couvrir 75 hectares sur la montagne Renga par des calitrices, une espèce d'arbre qui cohabite bien avec son sol caillouteux, comme constaté sur la montagne Mokinya de la commune Ngozi. Des travaux de traçage, de courbes de niveau et d'entretien de ces plantations sont prévus pour assurer un suivi régulier afin d'habiller, selon lui, ces espaces vides. Laurent Mounezero se réjouit du fait qu'aucun incendie n'a été signalé jusqu'à présent dès le début de cette saison estivale dans cette province. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. La chanteuse Laurette Tetero, gagnante de la 4e édition du prix Prix Musique, se réjouit des 25 millions de francs burundais qu'elle vient de gagner. Elle dit que ce trophée va lui ouvrir pas mal d'opportunités. Elle lance un appel aux autres musiciens de vaincre la peur et de faire connaître leur talent. Je suis heureuse et reconnaissante. Heureuse parce que j'ai gagné, aussi parce que genre j'ai suivi les conseils des coachs, j'ai suivi les conseils de ceux qui me donnaient leurs avis. Ça m'a aidée à donner un travail qui était bien. Autre chose, c'est que je suis aussi reconnaissante envers ceux qui m'ont élue et aussi envers le jury qui a jugé bon que je méritais en fait le trophée. 19 ans, 25 millions, quels sont vos projets ? Au départ, avant d'être élue première d'abord à Bujumbura, je voulais juste être reconnue. Genre être vu qu'il y avait un talent en herbe dans la musique. Mais après, vous voyez que Dieu m'a propulsé genre vers l'avant. Je suis lauréate de Prix Musique édition 2019. Je compte bien chanter et aussi évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat parce que ici au Burundi, on a besoin d'entrepreneurs. Je suis lauréate de la Prix Musique 2019, mais ça ne veut pas dire que j'ai gagné. Non, ça veut plutôt dire qu'on m'a confié une responsabilité de chanter que je dois honorer constamment. Mais moi, j'ai un projet. Je veux faire connaître mon pays au travers de ma musique. Donc, mais plutôt, j'aimerais parler à ceux qui ont des talents cachés. Parce que moi aussi, j'avais un talent caché. De ne jamais hésiter à exhiber leur talent parce qu'on ne saura jamais, en fait, d'où nous viendra notre succès, d'où nous viendra notre bénédiction. Aussi, j'ai l'habitude de dire que tout comme notre visage, il est unique, mon visage, il est unique. Ta voix, elle est unique, la mienne aussi. On ne saura jamais comment elle va toucher les gens. On ne saura jamais pourquoi on t'a choisi, mais lancez-vous. N'hésitez jamais d'oser. Comment vous allez gérer ? Vous êtes jeune, il y a le succès qui vous arrive. Comment vous allez faire pour garder les pieds sur terre? J'ai 19 ans, je n'ai que mon diplôme d'humanité générale. Je dois étudier, ça c'est un. Donc je dois avoir mon baccalauréat parce que au fil des années, bien sûr, aujourd'hui je suis une star. Mais pour que je garde mon titre de star, il faut que je travaille dur. Il va falloir que je sache jongler quand même entre les deux, les études, garder un niveau intellectuel qui est consistant et aussi chanter, bien chanter. Quand on est star, ça veut dire que nous sommes une référence. Travailler dur pour être une référence, une bonne référence. Pour des filles burundaises. En bref, au niveau national et international, avant la chronique sport, on parlera du kung-fu et aussi on va recevoir à la fin de ce journal notre invité qui est le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Trois pêcheurs qui prestaient ensemble sur le même bateau de pêche avec Baranizigui et Augustin, retrouvés morceaux dimanche matin sur la colline Kizuka en commune et province Rumonge, sont dans les mains de la police judiciaire de Rumonge depuis le soir de ce dimanche. Le chef de zone Kizuka et le commissaire provincial de Rumonge confirment cette rétention. Et c'est pour enquêter sur les circonstances de la mort de ce pêcheur, indiquent les deux autorités. Et en international, le président indien a commencé ce dimanche, 28 juillet, une visite d'une semaine en Afrique de l'Ouest, dans trois pays jamais visités jusqu'à présent par de hauts dignitaires indiens, le Bénin, la Gambie et la Guinée. Un geste politique important qui montre que New Delhi cherche à se rapprocher d'une Afrique occidentale et francophone avec laquelle les Indiens ont des relations très limitées jusqu'à présent, écrit RFI sur son site web. Depuis 4 ans, New Delhi a multiplié les initiatives dans ce sens, avec entre autres le méga sommet Inde-Afrique qui a rassemblé en 2015 un très grand nombre de chefs d'État africains dans la capitale indienne. Les Indiens avaient alors promis une plus grande coopération universitaire, l'attribution de 50 000 bourses pour l'accueil d'étudiants africains en Inde et l'accroissement du réseau de cours à distance établi depuis 2009. Radio Isanganiro, chronique sport. Je venais de l'annoncer tantôt, on parle du Kung Fu qui est un sport qui a commencé avec 18 outils comme le bâton, la lance et l'épée et d'autres qui ont été multipliés selon l'évolution de cette discipline. C'est ce qu'explique le président de la Fédération burundaise de Kung Fu, Yves Nirenganya, qui fait savoir que le système de comptage des points est basé sur la force et les mouvements des joueurs lors d'un combat. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenez. Les pratiquants de Kung Fu utilisent les différents outils qui ont été multipliés selon l'évolution de cette discipline. Cela est dit par Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Kung Fu. Les outils, il y en a beaucoup. Le temple a commencé par beaucoup des outils, même 18 armes du temple de Shaolin. Ce que Jet Li a pratiqué depuis 78, Jet Li a pratiqué les 18 armes du temple de Shaolin. Après que la fédération a commencé d'organiser ces compétitions, ils ont créé des formes communes. Toutes ces formes-là sont nommées le Wushu moderne. Ils ont gardé uniquement les 8 armes qu'on utilise dans le Wushu moderne. Mais dans le Wushu traditionnel, ou bien le Kung Fu traditionnel, on utilise toujours les 18 armes et plus. Il y a le bâton, il y a la lance, il y a aussi l'épée, il y a le sabre, il y a ce qu'on appelle le chain whip, c'est une corde qu'on utilise pour battre beaucoup de personnes parce qu'on peut être parmi 10 personnes, on peut les battre avec le bâton ou bien avec l'épée. Donc toutes ces armes sont extrêmement efficaces pour utiliser dans des combats de beaucoup de gens. Yves Nirenganya indique que ces outils ont l'intérêt de se défendre et de faire les entraînements non violents. Oui, ce sont des outils pour des entraînements. Parce que tout ce que nous avons eu, ce ne sont pas des armes à feu, ce sont des outils qu'on utilise justement pour s'entraîner. Ça ne peut pas couper quelqu'un. Donc, ce sont justement pour l'entraînement. La vivacité dans les mouvements et la force des joueurs sont certains des critères du système de comptage des points, comme l'explique ce président de la Fédération de Kung Fu. Dans le format de démonstration, il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Comment il s'habille, sa vivacité dans des mouvements, sa puissance, et la façon dont il manie le bâton, l'épée, même la discipline, devant le jury, devant tout le monde. Dans le format Sanda, là, on regarde tout simplement des coups et comment les coups sont frappés. Si quelqu'un touche au-dessus de thorax, donc la tête ou bien le tronc, c'est des points. Mais quand il s'agit des pieds, quand il touche là avec le pied, c'est un point. Quand il utilise les coups des points, c'est uniquement un point. C'est comme ça qu'on compte les points avec plus de 5 arbitres à côté et un arbitre au milieu. Il y a aussi des 4 officiers qui se trouvent là. Donc, il y a beaucoup des arbitres par rapport à ceux qui sont en train de se battre. Dans la prochaine chronique sportive, Yves Nirenganya nous expliquera de l'organisation de Kung Fu Burundi et les défis auxquels les pratiquants font face. À la source, interview. L'existence des cas d'intolérance politique ne signifie pas que les droits politiques et les droits humains sont bafoués au Burundi. C'est Sixte Vigny Nimurava qui le dit, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Il rappelle que le Burundi est un pays à régime démocratique où le peuple a droit au parti politique de son choix et il vote le candidat de son choix. Le président de la CNIDH, c'est l'invité d'Elini Belnibigira. Sixte Vigny Nimurawa, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Des cas d'intolérance politique s'observent ces derniers jours. Quelle est votre observation? Notre observation est simple. Il faut que les gens comprennent que nous vivons dans la démocratie. Et la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Ce qui veut dire que chaque individu, que chaque Burundais, citoyen burundais, a le droit de s'exprimer librement en rapport avec telle ou telle situation. Personne ne doit être victime de sa pensée politique. Donc, on doit s'accepter mutuellement et accepter des différences. Parce que, comme l'a dit Saint-Augustin, ce sont les différences qui nous font ce que nous sommes. La beauté réside dans cette différence. On doit avoir des gens qui viennent de différents partis politiques, on doit avoir des gens qui sont de différentes confessions religieuses, et c'est ça qui fait la beauté du Burundi. En cas d'intolérance politique, que devrait être l'attitude des responsables des partis politiques face à ces violences? Les responsables des partis politiques doivent fournir un effort pour éduquer leurs membres, pour qu'ils sachent qu'ils doivent cohabiter avec les gens qui proviennent d'autres partis politiques, comme le font eux-mêmes. Parce que c'est très intéressant quand vous voyez les interactions entre les dirigeants des partis politiques ici au Burundi. Même ceux au pouvoir et ceux de l'opposition se rencontrent, ils décident, ils prennent des décisions ensemble, ils se conviennent sur la stratégie à adopter et ils partagent même un verre. Quand vous voyez la population rurale, le plus souvent, ils se chamaillent et même combattre les gens qui ne sont pas de leur affiliation politique, alors qu'ils devaient comprendre que même les dirigeants vivent ensemble et s'entendent, ils devaient adopter son même comportement. Dernièrement, on était dans la commune Gitaramuka en province Karusi, où les gens du CNDD, FDD étaient en conflit avec les gens du CNL. On a sensibilisé la population en leur éduquant sur le comportement à adopter, et spécialement pendant cette période préélectorale. Quelle devrait être l'attitude des organes judiciaires et policiers? Les organes judiciaires doivent faire leur travail jour et nuit parce qu'ils ont beaucoup de tâches et de responsabilités, mais pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont des droits mais aussi des devoirs, ils doivent traiter des cas individuels selon la situation. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que les violations des droits politiques et humains sont alarmantes? C'est pas alarmant, ça arrive. On connaît l'histoire des élections ici au Burundi, mais aussi dans les pays limitrophes. Ce qui est mieux, ça serait que chaque personne connaisse ses droits et devoirs, et surtout qu'ils connaissent qu'ils doivent se comprendre et cohabiter. Parce que à la fin de ces élections, nous allons rester nous tous des Burundais. Quel est le message de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à la veille des élections 2020? Les gens doivent comprendre que la diversité, c'est ça qui fait notre nation et le Burundi. Donc, il faut qu'on se tolère mutuellement, qu'on comprenne qu'on ne doit pas avoir un seul parti politique ou deux, on doit avoir une multitude de partis politiques. Sixte Vigny Nimurawa, président de la CNDH, je vous remercie. Et je vous en remercie aussi. Et c'est sur cette interview que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.